Le docteur Roubinoff, de Chaim Potok. Traduction, Martine Leroy-Battistelli. Feuilleton en 5 épisodes. Une réalisation de Michel Sidorov. 5e et dernier épisode. Après la guerre, Chertoff, devenu colonel, a poursuivi sa carrière au sein des services secrets. Fin 1952, il a été chargé de débusquer les membres d'un grand complot inventé par Staline, censé impliquer de nombreux médecins juifs. Au cours de son interrogatoire du docteur Koryavin, ancien médecin personnel de Staline, Chertoff a appris que le docteur Roubinoff, qui avait sauvé son bras pendant la Première Guerre mondiale, se trouvait lui aussi dans l'une des cellules de la NKVD. Place Dzerzhinsky courait d'effrayantes rumeurs d'un vaste et imminent remaniement de notre ministère. Parce que nous n'avions pas su découvrir nous-mêmes le complot et n'avions commencé à agir qu'après avoir été alertés par la lettre d'une informatrice, une technicienne en radiologie. Un ami qui travaillait aux archives m'apprit qu'ils étaient en train de reprendre de vieux dossiers. « Ils passent tout au crible, » fit-il, en me regardant d'un air attristé. De retour dans mon bureau, je téléphonais au général Razumkov. « Ne t'affole pas, » me dit-il. « Je ne te demanderai pas qui t'a glissé cette information, mais tu n'es pas concerné. Tu es particulièrement bien noté, surtout après le travail que tu as fait avec Koryavin. » Je ne voyais pas du tout de quoi il parlait, et j'appris par la suite qu'il avait réuni le personnel des archives dès le lendemain et s'était mis à tempêter et à fulminer en leur reprochant de ne pas savoir tenir leur langue. C'est alors que je me souvins avec effroi de la lettre signée Zinoviev qu'il avait insérée dans mon dossier, des décennies plus tôt. Zinoviev, que Staline haïssait autant que Trotsky, et qui avait été exécuté dans les années 30, après un procès public. Un service que m'avait rendu le docteur Pavel Roubinoff, afin que je puisse regagner mon village sans encombre, une sorte de paiement pour lui avoir appris quelques prières en hébreu. J'ignorais si cette lettre représentait un danger pour moi. Docteur Pavel Roubinoff. Il me semblait le revoir dans sa blouse blanche, avec sa barbe rousse bien taillée et ses lunettes à monture dorée, et je me demandais s'il avait continué à étudier l'hébreu. Après 3 jours sans fièvre, ma température remonta et les maux de tête réapparurent. Plutôt que de retourner à l'infirmerie, je pris de l'aspirine. De la glace noirâtre et de la neige fondue sale encombraient les rues de Moscou. En ouvrant la Pravda, par un jour glacial de la mi-janvier, je vis ce gros titre. Arrestation d'un groupe de médecins saboteurs. Je lus lentement le récit de la découverte récente d'un groupe de médecins terroristes qui s'était donné pour objectif de mettre un terme à la vie de personnalités publiques d'Union soviétique en leur administrant des traitements médicaux assimilables à du sabotage. L'éditorial qualifiait ces médecins de monstres et d'assassins, de bandes d'animaux anthropoïdes, et insistait sur le fait, en lisant ces mots, mon sang se figea, que certains de nos organes soviétiques et leurs chefs avaient manqué de vigilance et s'étaient laissés contaminer par la crédulité. Les agences de la sécurité de l'État n'avaient pas détecté à temps l'existence d'une organisation de terroristes saboteurs parmi les médecins. Place Dzerzhinsky, on commença à entendre parler d'une lettre déposée au siège de la Pravda, qu'on avait demandé à des personnalités juives de signer. Il s'agissait d'un appel adressé aux camarades Staline afin qu'il soustrait les Juifs obstinés et insoumis à la juste colère du peuple soviétique, en les expédiant tous dans une lointaine région du pays où ils pourraient vivre en paix et apprendre à devenir de bons citoyens. Un peu plus tard, je rencontrai dans l'ascenseur un vieil ami qui me confia en chuchotant les noms de ceux qui avaient déjà signé la lettre aux camarades Staline. Un romancier célèbre, un violoniste, un historien, un physicien, tous juifs bien entendu. « Et il y en aura encore beaucoup d'autres, » ajouta-t-il. Le lendemain, je demandai à voir le prisonnier médecin Roubinoff. Et pourquoi faire, bon Dieu ? Demanda le colonel Roudenko, celui qui était chargé de l'interroger. Aussitôt soupçonneux, bien entendu. C'est lui qui a sauvé mon bras. Tu veux aller lui dire merci ? Une visite, en souvenir du bon vieux temps. Le salaud, quelle tête de mule ! Fais-lui signer ses aveux, et tu m'auras rendu un grand service. Je descendis l'escalier interminable menant au sous-sol, et parcourus de longs corridors plongés dans la pénombre, où étaient postés de nombreux gardiens. L'un d'eux m'introduisit dans une cellule, puis referma la porte sur moi. En l'entendant claquer dans mon dos, je sentis des picotements à la nuque. De curieuses pensées m'assaillirent. Le camarade Staline n'était jamais entré dans ces cellules. Le camarade Staline n'avait jamais visité un camp de travail. Je clignai des yeux dans la lumière crue de l'unique ampoule. Un minuscule cachot, un sol dallé, des murs nus, un seau, l'air froid empestant l'urine et les excréments. Aucune fenêtre, rien sur quoi s'étendre. Près du mur était assis un vieillard, nu jusqu'à la taille. Il avait un pantalon gris, sale, avachi, sans ceinture, et des chaussures noires éculées, dépourvues de lacets. Une courte barbe blanche embroussaillée recouvrait la moitié inférieure de sa figure, grisâtre et ridée. Des lunettes à monture dorée et aux branches tordues étaient posées de travers sur ses yeux, entourées de larges cernes noires. Ses cheveux blancs clairsemés étaient tout ébouriffés. Je vis d'affreuses marques sur ses bras et sur ses chevilles. Quand je l'eus observé un moment, je me rendis compte que ses mains, qui semblaient tenir d'invisibles instruments, exécutaient une danse tremblotée, évoquant vaguement les gestes du chirurgien, coupé, nettoyé, désinfecté, suturé. Soudain, il s'arrêta, baissa les bras, et lentement, il fit courir un doigt de sa main gauche sur le bout de chacun des doigts de la droite, en les effleurant délicatement d'une fugitive caresse. Il passait les doigts d'avant en arrière sur ses paumes, fermait les yeux, puis il les rouvrait tout en élevant les mains, tandis que ses doigts reprenaient leur petit balai chirurgical. « Camarade docteur Roubinov, » dis-je doucement. Il ne répondit pas et continuait à tamponner, à nettoyer, à suturer. « Camarade docteur Roubinov, » répétai-je. Il leva la tête, cligna des paupières, plissa ses yeux vides et se détourna. Je ne le reconnaissais absolument pas. Il restait là, à bouger délicatement les mains, en murmurant parfois des mots indistincts, d'une voix flûtée. Une odeur nauséabonde commença à se dégager de lui. Assis dans une flaque qui s'élargissait peu à peu, il agitait ses doigts décharnés dans le vide, en remuant ses lèvres desséchées et pleines de croûte. Il me fallut un moment pour réaliser qu'il récitait un psaume. « Ô Dieu, ne reste pas muet, ne te montre pas distant, ne te tais pas, ô mon Dieu !» chuchotait-il en hébreu. Je me relevai et cognai à la porte. Le gardien arriva et me fit sortir. « Qu'est-ce qu'on lui donne ? » demandai-je. « Ils mettent de la scopolamine dans ses pommes de terre. » J'ai hoché la tête. La drogue l'abrutissait en le plongeant dans un état voisin de l'hypnose. Je remontai dans mon bureau, puis rentrai chez moi quelque temps après. Un peu plus tard, dans la journée, je retournai voir le prisonnier médecin Paviel Roubinov. Il n'avait rien avoué, rien signé. Il était assis dans son urine, grelottant de froid, son corps squelettique appuyé contre la pierre, et murmurait des paroles inaudibles. Couvrait de honte leur visage, dis-je à voix basse tout en leur regardant, qu'ils soient déshonorés et maudits à jamais. Jour après jour, nous attendions de voir lequel d'entre nous allait payer pour notre manque de vigilance, pour n'avoir pas découvert à temps le complot des médecins terroristes. Soudain, la dernière semaine de février, nous ne reçûmes plus d'ordre d'arrestation. Nous restions assis dans nos bureaux, parcourions les couloirs, montions et descendions dans les ascenseurs, déjeunions à la salle à manger dans une atmosphère lourde de peur et de silence. Le ministre était introuvable. On ne parvenait pas à le joindre au téléphone. Nous étions désœuvrés. Un matin, alors que je lisais le journal dans mon bureau, le téléphone sonna. Le général Razoumkov voulait me voir, immédiatement. Il me reçut seul à seul. Sans aucun préliminaire, il me dit tout à trac « Staline vient de claquer, une attaque. Notre ancien patron est de retour. » Je le regardai, muet de stupeur. La pièce se mit à tournoyer. Derrière la fenêtre, l'air glacé semblait peuplé de visages qui regardaient, qui écoutaient. Il faut commencer à décrasser les médecins. En sortant de son bureau, je me surpris à inhaler de grandes bouffées d'air. J'avais des picotements et des élancements dans le bras gauche, dont les muscles se nouaient. Un abîme d'angoisse s'ouvrait devant moi. Staline était mort. Qu'est-ce qui attendait notre patrie? L'anarchie. Le monde entier allait fondre sur nous. Puis, peu à peu, le calme se fit en moi, une euphorie envahissante. Staline était mort. « Il faut commencer à décrasser les médecins », avait dit le général Razoumkov. Ce qui signifiait que nous n'allions pas tarder à les relâcher. Je partis dans les couloirs, descendis l'escalier sombre, 4 à 4 cette fois, sans me préoccuper du tonnerre grondant dans mon cœur et ma tête, ni de mon bras engourdi, pour apprendre que le docteur Pavel Roubinov était mort pendant la nuit. Au cours des semaines qui suivirent, je m'aperçus qu'il s'était introduit en moi pour s'installer à demeure dans ma mémoire. Comme si ma mémoire avait été un vaste hôtel dont il aurait occupé l'une des meilleures chambres. Toutefois, il en sortait fréquemment. Et alors je le voyais, non point tel qu'il était dans sa prison, mais sous l'aspect qu'il avait autrefois à Petrograd, pendant la guerre. Un homme grand, soigné de sa personne, avec un visage bienveillant, une courte barbe rousse et des yeux bleus clairs derrière des lunettes rondes à monture dorée. Je l'entendais qui me disait « Demain, j'essaierai encore de nettoyer cette plaie, une dernière fois. Et aussi, nous procéderons lentement et avec précaution, et nous tâcherons de sauver votre bras. La main est une merveilleuse création, une chose d'une complexité et d'une perfection inouïe. De toutes les parties du corps, aucune ne me fascine autant que la main. J'ai ici un livre de prière en hébreu. Où serait-il possible de m'apprendre à prononcer les lettres et les voyelles ? Mes souvenirs du docteur Pavel Roubinov refusaient de s'estomper. Aujourd'hui encore, je l'entends et je le vois souvent. On racontait beaucoup de choses sur la manière dont était mort l'infâme tyran. D'après certains, il était tombé en syncope dans sa datcha, à la suite d'une beuverie avec quelques amis. Selon d'autres, au cours d'une réunion du Politburo, ou du Présidium comme nous l'appelions désormais, des membres ordinairement dociles s'étaient, contre toute attente, vigoureusement opposés à son plan de déportation des Juifs. Ce qui l'avait mis dans une telle fureur que ses yeux s'étaient révulsés et qu'il avait perdu connaissance. Les grands médecins du Kremlin qui auraient peut-être pu le sauver étaient tous en prison. Les médecins de moindre réputation qui furent appelés avaient diagnostiqué une attaque et dit qu'il ne pouvait pas faire grand-chose. Il respirait encore, mais ne pouvait parler. À un moment donné, il avait levé la main gauche en désignant d'un geste accusateur ceux qui étaient réunis autour de lui. Mais il avait commencé à étouffer. Peu à peu, son visage s'était assombri, ses lèvres étaient devenues noires, il avait mis des heures à mourir. Notre nouveau ministre avait, disait-on, exécuté une petite danse autour de son cadavre. Nous sommes libres. Le tyran est mort. Réjouissons-nous. Le mot de la fin fut prononcé par un membre du Politburo. Ce soir, les souris ont enterré le chat. Le lendemain, il se trouva que je passais en voiture devant la maison des syndicats. Des ouvriers étaient en train de retirer le gigantesque portrait de Staline plaqué sur la façade de l'édifice. L'un d'eux lâcha trop vite les cordes et le panneau dégringola dans la rue. Ils ne se pressèrent pas pour le redresser. On a dit souvent que toutes nos frontières étaient fermées à double tour. Mais vous n'imaginez pas combien de fois je les ai franchies, en rampant, en courant, en me faufilant, en sectionnant les barbelés, au cours des deux grands conflits auxquels j'ai pris part dans mon existence. En temps de guerre, il est impératif d'agir vite. Mais en temps de paix, on a tout le loisir de dresser un plan et d'attendre le bon moment. 1 an, 2 ans, 5 ans. Et puis on y va, en se fiant à son astuce et à sa chance. Je ne comprenais pas grand-chose aux intrigues qui agitèrent le Politburo au cours des mois qui suivirent la mort du tyran. Ordre fut donné aux médecins arrêtés de ne souffler mot à personne de leur séjour en prison. Puis, on les renvoya chez eux. Le docteur Pavel Roubinov fut enterré dans le cimetière juif de Moscou. Par une froide journée de mars, j'assistais à ses obsèques en me tenant un peu à l'écart par discrétion. En entendant un vieillard barbu psalmodier le Kaddish, puis réciter un psaume, j'eus l'impression de revenir des dizaines d'années en arrière. Un vent glacé soufflait parmi les tombes silencieuses. De toute évidence, et sans que je sache pourquoi, le général Razumkov m'avait pris sous sa protection. Il m'adressait des sourires et des clins d'œil, me racontait des histoires salaces et des anecdotes de la vie politique, me donnait des petits coups dans les côtes, me glissait des informations confidentielles. Après de longues semaines de conversations entrelacées d'allusions, je finis par comprendre que mon interrogatoire du docteur Koryavin avait donné de si bons résultats qu'il avait passé très peu de temps à la chaîne, avant d'accepter de signer des aveux et de donner des noms. Il avait dit à plusieurs reprises à ceux qui l'interrogeaient et au général Razumkov que sa docilité m'était entièrement due. Je l'avais convaincu qu'il était plus sage de se soumettre. Cela avait apparemment sauvé la tête du général, qui avait bien failli tomber par suite de notre négligence et de la lenteur des enquêtes. Je ne comprenais pas quels étaient les motifs du docteur Koryavin. Ou alors, il savait que le tyran n'en avait plus pour longtemps. Et tous les médecins qu'il avait dénoncés étant en prison, il n'y aurait plus personne de suffisamment compétent pour le soigner, le remettre sur pied, de façon qu'il puisse faire des ravages pendant encore 2 ou 3 ans et continuer à assassiner des milliers d'êtres humains. Dans ce cas, peut-être avait-il voulu me payer de la bonté que je lui avais témoignée en lui épargnant des souffrances, grâce à la petite comédie que nous avions jouée tous les deux. C'est possible. Mais je n'ai toujours pas trouvé la vraie réponse. Vers la fin du printemps, nos agents, en Allemagne de l'Est, commencèrent à nous avertir que des troubles risquaient de se produire pendant l'été. Des manifestations de travailleurs mécontents et peut-être même des émeutes. Notre ministre, l'éventuel futur patron du pays, qui était responsable de la stabilité de la RDA devant le Politburo, ordonna aussitôt l'envoi d'une équipe de la police de sécurité et mit à sa tête le général Razumkov. Personne ne s'étonna de voir le général insister pour que je l'accompagne. Si nous menons à bien notre mission, il sera propulsé à la première place, me dit-il en contenant difficilement son enthousiasme. Il parlait de notre ministre, bien entendu. Et s'il y parvient, grâce à nous, tu sais comment il nous récompensera? Tu seras nommé général. J'y veillerai personnellement. Nous allions purger le parti et anéantir des nids d'opposants clandestins. Rien de plus que ce que nous avions déjà fait 1000 fois. Je n'éprouvais aucun remords à l'idée de porter des coups à des Allemands. La guerre n'était terminée que depuis 8 ans. L'occasion de passer à l'action, de sauter le pas, en me fiant totalement à mon astuce et à ma chance, se présenta bien plus tôt que je ne le pensais. On s'aperçoit très vite qu'on peut habituer des policiers à des allées et venues irrégulières. Qui oserait avoir des soupçons quant au déplacement du colonel Leonid Chertov, le bras droit du général Razumkov, lui-même bras droit de l'éventuel futur patron? Vous attendez une nuit particulièrement exécrable, avec des torrents de pluie, de la brume, du brouillard, du vent. Vous connaissez l'heure précise de la relève des gardes frontières, un moment où ils sont le plus fatigués, le moins vigilants. Vous savez à quel endroit abandonner la voiture et quelle route il faut éviter. Vous courez sous le déluge à travers les champs et les forêts, en imitant la configuration du terrain avec votre corps. Vous vous allongez dans les mares d'eau boueuse, traversez à gué des ruisseaux purificateurs, pendant que la pluie glacée vous transperce de part en part. J'avais prévenu mes collègues que je me lèverais tard, en leur disant que j'avais à nouveau la fièvre et des maux de tête. Je ne sais quand ils commencèrent à se rendre compte que ce serait bientôt à eux d'avoir la migraine. D'Allemagne de l'Est en Tchécoslovaquie, puis en Allemagne de l'Ouest. Je sortis de la forêt aux abords d'une petite route et franchis la frontière sous des trombes d'eau, 2 heures avant l'aube. Les Allemands de l'Ouest et les Américains écoutèrent avec intérêt ce que j'avais à leur dire. Je n'étais pas le premier à passer de l'autre côté, ni le dernier. On en fit naturellement grand bruit à Moscou. Il fut beaucoup question des ennemis du peuple et du fait qu'on ne pouvait pas faire confiance aux Juifs. Mais on m'oublia sans doute peu après quand de violentes émeutes éclatèrent en RDA. D'après ce que j'ai entendu dire, notre ministre, sur qui la faute de ces troubles retomba, aurait été fusillé ou étranglé au cours d'une réunion du Politburo, même si la version officielle veut qu'il y ait eu un jugement. J'ignore ce qu'est devenu le général Razumkov. Maintenant, laissez-moi dire ceci. Même s'il est fort peu probable que mes paroles puissent pénétrer les cœurs de ceux à qui j'ai infligé des souffrances. Pour tout le mal que j'ai pu faire à autrui, dans mon ardent désir de voir se réaliser un rêve à l'origine magnifique, pour avoir anéanti tout espoir et toute idée d'humanité chez ceux qu'on m'amenait, pour toutes les nombreuses questions que j'ai posées dans une intention cruelle, et les réponses que j'ai obtenues à travers des cris de douleur, pour toutes les visions du monde que j'ai définitivement altérées dans le cœur et l'esprit de tant de gens. Pour tout cela, et pour d'autres choses encore, j'ai prononcé, à l'instant où j'accédais à la liberté, le mot russe « «prashchai», », qui signifie « «adieu pour toujours», » et aussi « «pardon». ». Longtemps, je me suis demandé qui occupait maintenant mon appartement de Moscou et ce qu'était devenu mon tableau du village. La fièvre et les maux de tête, un parasite intestinal attrapé en Crimée quand je servais dans l'armée rouge. Cela se soigne, m'a dit mon médecin américain, mais cela ne se guérit pas. Ça va et ça vient, c'est tenace, comme les souvenirs. C'était Le docteur Roubinoff de Chaim Potok. Traduction Martine Leroy-Battistelli. 5e et dernier épisode avec Nicolas Struve, Léon Chertoff, Sarah Caponi, la narratrice. Découpage Catel Guillou. Conseillère littéraire Emmanuelle Chevrière. Prise de son, montage et mixage Stéphane Desmonts, Emmanuel Armingue. Assistante à la réalisation, Julie Briand. Réalisation, Michel Sidoroff.